à toutes et à tous qui étaient branchés sur les ondes de la radio-télévision Isanganiro. C'est le moment de suivre l'émission Mosaïque, conjointement préparée par la radio-télévision Isanganiro en collaboration avec le service anglican pour le développement communautaire durable de l'église anglicane, SADEC en sigle, dans le but de rétablir la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre membres des partis politiques qui seraient gardés anciens de faïence dans les années passées. Mosaïque d'aujourd'hui porte donc sur l'état d'avancement de la période préélectorale et les défis liés aux préparatifs des prochaines échéances électorales. Après enrôlement des électeurs, d'autres activités liées aux élections ont été organisées par la CENI et aujourd'hui, c'est le tour de dépôt des dossiers des candidatures de ceux qui veulent se faire élire dans différents scrutins en se conformant au calendrier électoral en vigueur et au décret présidentiel et portant convocation aux élections. Quelle est la lecture faite par les partenaires électoraux par rapport à cette période préélectorale? N'y a-t-il pas des défis? S'il y en a, ils sont dus à quoi? Qui en sont derrière? Quelles sont les conséquences sur le processus électoral lorsque l'espace politique est verrouillé? Quels sont les rôles de la CENI, de l'administration, pour assainir l'espace politique au moment où l'on constate que certains jeunes du parti au pouvoir commencent à s'ingérer ou s'immiscer dans le travail des pouvoirs publics? Pour débattre ce sujet et évaluer l'état d'avancement du processus électoral, nous avons quatre invités. Commissaire François Bidimana, chargé de la communication à la CENI. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, merci pour l'invitation. Je salue mes collègues autour de ce plateau. Je salue aussi les auditeurs, qu'ils soient au Burundi ou à l'extérieur du Burundi. Merci beaucoup. Parmi les invités, il y a Tiffany Widi, secrétaire générale et porte-parole de la nouvelle coalition Burundi-Gabos. Bienvenue, Kefa. Merci pour l'invitation. Je saisis cette occasion pour saluer tous mes collègues qui sont ici sur le plateau. Je salue aussi tous nos auditeurs ou téléspectateurs. C'est pas pour toujours. Aujourd'hui, nous avons une dame parmi nous. Il s'agit de Cécile Nshimirimana, présidente du parti Frelinas. Bienvenue dans Mosaïque. Bonjour et bonjour à tout le monde et à tous ceux qui nous écoutent sur ce plateau. Je suis également avec professeur ambassadeur Denis Banchimi-Roussa. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université du Burundi, spécialiste des partis politiques et des élections. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour et merci de l'invitation. Merci beaucoup. Au cours de cette émission, à la cabine technique, je suis avec Albert Ndouayo. Innocent Bibonimana est à la prise des images. Médard Niyonguru est à la réalisation. Et à l'animation de ce débat, vous êtes avec Evariste Ndikobanyanga. Rebonjour et bienvenue. Mosaïque. Entrons donc dans le vif du sujet avec cette première question à l'endroit des responsables des partis politiques et coalitions. Comment est l'espace politique aujourd'hui en cette période préélectorale? Je commence par Madame Cécile, la priorité aux dames. Merci. Bon, je dirais que l'espace politique est verrouillé. Comment? Bon, nous avons fait beaucoup de réunions avec le ministère de l'Intérieur. Nous avons mis des feuilles de route. Premièrement, on a discuté sur les frais qu'on paye pour la carte de résidence. Ça a été fixé à 500 francs bout, mais il y a certains qui ont payé jusqu'à 4500. Et puis pour avoir les cartes de résidence, ça demandait beaucoup de choses dans les communes de l'intérieur du pays. Mmh. Parfois, on te demande de montrer d'abord le cahier de ménage, un document qui montre que tu as payé l'impôt foncier. Mmh. Et cela n'était pas prévu avant. Mmh. Tout ça, bon, ça a causé un problème pour les chercheurs des cartes de résidence. Mmh. Aussi le ticket. Nous savons qu'au Burundi, nous avons un problème de carburant. Pour se déplacer, ça nous a coûté beaucoup, beaucoup. Il y a même ceux qui ont voulu avoir la carte de résidence, qui n'ont pas eu la chance d'en avoir à cause de déplacements et à cause des dépenses énormes. Pour tout ça, vous avez dépensé combien pour un seul candidat aux élections communales? Mais ça varie. Il y a là où on dépensait 3500, 1500. Il y a même là où on a payé 8000, même plus. Si on ajoute les frais de déplacement, quand même, tu vois que le montant était énorme. Mmh. Et ce n'était pas prévu avant parce que nous avons eu des réunions et on a fixé le prix à 500. Tu vois, entre les 500, 1500, à 4000, à 8000, qu'il y a beaucoup de différences entre les deux. Donc les administratifs, les administrateurs n'ont pas respecté les la ordres parole, données par la parole du ministère de l'Intérieur. Comment est-ce que vous interprétez cela? L'interprétation est un peu difficile parce que, on ne peut pas comprendre comment le ministre peut donner un ordre et, cet ordre ne s'exécute pas par les administrateurs ou bien par les chefs locaux. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas pu couvrir toutes les communes du pays? Ah, nous avons eu des problèmes pour les couvrir vraiment. Pour manque de carburant, encore avec les frais énormes. Il y avait aussi la coupure d'électricité. On ne peut pas avoir des photocopies. Même les frais de photocopie ont augmenté jusqu'à 1000 par pièce. Tu vois que c'est énorme. Avant, c'était à 200. Ceux qui utilisaient le groupe électrogène demandaient 1000 francs pour un seul copie. Voilà, pour avoir 50 copies multipliées par 4, multipliées par autant des documents demandés. Et ça, donc, c'est beaucoup. Pour une commune, on pouvait totaliser plus de 2 millions. C'est trop. C'est trop. Oui, nous sommes avec Fanny Widi, secrétaire générale, porte-parole de la nouvelle coalition Burundi-Bgabo-Ose. Fanny Widi, nous sommes pendant la période préélectorale. Maintenant, nous sommes à l'étape de dépôt des candidatures pour les élections communales et les élections législatives. Comment est la tâche aujourd'hui? Comment est l'espace politique aujourd'hui et toutes ces activités? Merci beaucoup. La tendance de l'espace politique burundaise n'a jamais changé. C'est un espace verrouillé avec une volonté vers un monopartisme de fait. Il y a les indicateurs, notamment le code électoral en soi, et qui a beaucoup de dispositions liberticides qui sont de nature à bloquer l'avancement normal des partis politiques, notamment de l'opposition. Je citerai notamment celles qui empêchent les gens, les journalistes, de communiquer en temps réel les résultats des urnes. Là, c'est plus tard. Mais aussi, on avait décrié et que le code électoral avait prévu beaucoup de cautions pour législatives et instauré celles qui n'existaient pas pour les communales. À cela s'ajoute effectivement un calendrier électoral qui était trop serré, en tout cas qui, au vu des observateurs et des acteurs, était de nature à empêcher qu'il y ait possibilité de formation des coalitions. À cela s'ajoute effectivement le comportement de certains administratifs, notamment dans l'octroi de certains dossiers, documents nécessaires pour le dépôt des dossiers. On a cité les cas d'attestation de résidence. Dans certaines communes, on arrivait jusqu'à 10 000 francs. Donc, une attestation qui s'achète entre 1 000 francs et 3 000 francs, on exigeait d'autres frais qu'il fallait payer avant d'en avoir, arrivant jusqu'à à 10 000 francs. Dans certaines communes, même, on demandait des ponts de vin qui arrivent à une trentaine de mille pour un document de 3 000. Il ne faudrait pas aussi oublier que dans ce contexte, il y a toujours des menaces qui sont adressées aux partis politiques et de l'opposition. Je signalerai que très récemment, cette coalition qui n'a pas encore fait long feu, l'un des membres de la coalition a vu les jeunes du parti au pouvoir qui sont venus autour de son domicile, chantant des chansons de menaces, scandales, drapeaux du parti au pouvoir pour l'intimider. Donc, vous comprenez que le climat dans lequel on est à travailler est un climat tendu, malgré qu'on continue à s'adapter. Je dis qu'on connaît à s'adapter. Nous ne laisserons pas quand même de dire merci au ministre de l'Intérieur qui a accepté la création d'une coalition. C'était une coalition qui était en quelque sorte bloquée parce qu'on dit qu'elle va elle pourrait se créer après la convocation des élections. quand on a convoqué les élections, dans 6 jours, nous sommes efforcés. Nous avons créé la coalition et après quelques jours, nous avons eu gain de cause. Mais aussi, les délais de dépôt des dossiers de candidature étaient très courts. Imaginez quand on vous dit que pour les conseillers communaux, il faut uniquement 10 jours calendrier. Donc, c'est vrai, c'est le prescrit du code électoral, mais le code électoral dit que c'est le minimum, la CENI aurait pu augmenter. Quand vous cherchez 50 dossiers par commune, ça veut dire 2100 dossiers dans tout le pays. Mmh. On vous donne uniquement 10 jours. Mais curieusement, pour les législatives, où il faut rassembler uniquement 200 dossiers, on vous donne 15 jours. Mmh. Il y a un paradoxe. Donc, rien n'empêchait à la CENI de faire cette prolongation. On a fait des sollicitations, quoique pas très officielles, mais nous avons compris que d'une façon ou d'une autre, ils auraient des mériens qui les empêchent finalement de pouvoir assouplir à ce que les conditions soient favorables. Malgré tout ça, malgré qu'on avait... Nous avons eu la reconnaissance de la coalition le dernier jour de dépôt des dossiers, mais on s'est forcé, on a pu déposer les dossiers dans toutes les communes, dans les 42 communes. On a pu aussi rassembler les cautions qui n'étaient pas prévues et pour qu'on puisse combattre, c'est trop dire, pour qu'on puisse entrer en compétition efficacement avec les autres. Donc, bref, que ce soit au niveau regard et réglementaire, que ce soit au niveau du comportement de l'administration et de certains acteurs politiques, on assiste toujours à une tendance à la restriction de l'espace politique, notamment pour les leaders de l'opposition. Mmh. Oui. Donc, à vous entendre, même si la tâche n'a pas été facile, les membres de la coalition ont pu avoir les dossiers au niveau de la commune. On a vu en Tahiti la tendance qu'on avait de bloquer tout mmh. et on s'est adapté. À la grande surprise de ceux qui manigançaient quoi que ce soit, nous avons pu déposer les dossiers dans toutes les communes, dans toutes les 42 communes actuellement reconnues par le nouveau découpage administratif. Mmh. Oui, nous sommes avec François Bidimana, chargé de la communication, commissaire chargé de la communication à la CENI. Le temps presse. Et comment est-ce que vous appréciez l'état d'avancement des travaux de la dite commission dont vous êtes porte-parole? Merci pour cette question. Au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, nous sommes très satisfaits des réalisations auxquelles nous avons déjà abouti, que ce soit au niveau de la commission de cette commissaire, que ce soit au niveau des démembrements, au niveau des CEPI, au niveau des CECI. Le travail abattu est très satisfaisant. Nous n'avons jusqu'ici rencontré des difficultés. Je tiens à vous préciser les différentes étapes que nous avons déjà franchies et qui ont été très bien réalisées. Nous avons procédé à la mise en place des démembrements de la CENI et cela a été fait conformément à la loi. Nous avons procédé à l'enrôlement des électeurs. Ce travail a été très bien réalisé. Aujourd'hui, la CENI est occupée à saisir les données qui ont été collectées au niveau des centres d'inscription des électeurs pour les élections de 2025. Ce travail a commencé le 2 décembre de cette année et ce travail est en train d'être bien mené. Pour d'ailleurs votre information, je pense que vous l'avez même constaté, même Son Excellence le Président de la République a visité le centre de traitement des données pour se rendre compte par lui-même de l'état d'avancement de ce travail. Et du 9 au 18 décembre 2024, la CENI a réceptionné, quand je dis la CENI, comprenez, c'est des membres moi aussi. La CENI a réceptionné les dossiers de candidature pour les postes de conseillers communaux. Et ce travail s'est bien déroulé à travers tout le pays. Je suivais mes collègues qui se sont déjà exprimés autour de ce plateau quand vous leur avez posé la question de savoir si l'espace politique est verrouillé ou pas. Au niveau de la CENI, d'après ce que nous constatons sur le terrain, ce verrouillage de l'espace politique, nous ne le constatons pas. Je vais vous dire plutôt là où se trouve probablement un problème. Oui. Quand nous avons programmé cette opération de dépôt de candidature des futurs membres des conseils communaux, nous avons procédé à l'élaboration des formulaires que les partis politiques devraient venir récupérer au niveau des démembrements de la CENI, je dis au niveau des CEPI, pour qu'ils complètent ces formulaires sans beaucoup d'hésitation. Ce travail, la CENI l'a beaucoup simplifié. Mais ce que nous avons constaté, pour vous montrer qu'au niveau de la CENI, le verrouillage ne nous est pas connu, dans certaines communes, nous avons une trentaine de partis politiques et une coalition, Burundi Bravos. Tenez par exemple, je prends la province de Burunga, en commune Bururi. Ceux qui se sont présentés pour récupérer ces formulaires sont au nombre de 6. Ah bon? Récupérer seulement les formulaires, pas chercher les éléments du dossier, récupérer les formulaires. Ceux qui se sont présentés sont au nombre de 6. En province de Makamba, ceux qui se sont présentés sont au nombre de 5. Pourtant, les formulaires étaient disponibles au niveau des CEPI. En commune Matana, au nombre de 9. 9 partis politiques, plus la coalition Urunani, plutôt la coalition Burundi Bravos. Je pense que j'ai bien dit comment ça se nomme. En commune Musongati, les partis politiques qui ont récupéré les formulaires sont au nombre de 6, plus la coalition Burundi Bravos et un indépendant. Je ne citais pas son nom, ce n'est pas le moment pour aujourd'hui. Même les partis politiques, je ne les ai pas cités. Mais tu as cité la coalition. Ok, la coalition, puisque c'est une seule qui est connue aujourd'hui, il n'y avait pas moyen de ne pas la citer. Et comme vous le voyez, et cela transparaît dans presque toutes les communes, nous nous attendions au moins que les 36 partis politiques puissent ne fût-ce que récupérer les formulaires et aller ensuite chercher les éléments du dossier. Mais ils ne l'ont pas fait tous. Est-ce que le verrouillage est venu de la CENI ou le problème se trouve de leur côté? Et ces formulaires, la CENI les avait très bien disponibilisés au niveau des commissions électorales provinciales indépendantes. C'est là où ces formulaires devraient être récupérés. Est-ce qu'ils n'ont pas boudé à ce processus? Ça, je ne sais pas. C'est à eux de le dire. Ils ont les raisons, ils auront l'occasion de le dire. Nous ne pouvons pas nous exprimer à leur place. Ce qui est sûr, ceux qui sont ici, autour de ce plateau, ils ont présenté les dossiers. Ils ont d'abord récupéré les formulaires. Ensuite, ils ont présenté les dossiers. Nous ne pouvons pas nous exprimer à la place de ceux qui ne sont pas là. Oui, merci beaucoup pour cette évaluation. Je suis en train aussi de vous préciser certaines choses. Quelques précisions aussi. Quelques précisions qu'il faut bien vraiment qui montrent que les choses vont bien sur terrain. Bien sûr. Et voilà, en province de Butanyerera, les partis politiques qui ont présenté qui ont récupéré d'abord les formulaires sont au nombre de 9. Et ceux qui ont présenté les dossiers de candidature sont au nombre de 6. La coalition y compris. Oui, la coalition. La coalition, elle a présenté les dossiers dans toutes les communes. D'ailleurs, comme je dis que la coalition a présenté les dossiers de candidature dans toutes les communes du Burundi, je précise aussi qu'il y a aussi 2 partis politiques qui ont aussi présenté leurs dossiers dans toutes les communes du Burundi. C'est le CNDD-FDD et le parti IPRONA. Les autres ont présenté leurs dossiers dans telle ou telle autre commune. Voilà ce que nous avons. Il y a aussi le Frolina qui... Le Frolina... Je connais là où vous avez déposé. J'ai tout l'inventaire ici. J'ai tout l'inventaire. Mais là, ce qu'il faut noter, Déposer les dossiers de candidature, c'est une étape. Ces dossiers seront analysés au niveau des organes compétents de la CENI. C'est là où nous allons très bien préciser le nombre de partis politiques qui vont entrer en compétition pour les élections communales, coalitions, mais aussi indépendants. Mais pour le moment, au stade actuel, retenez ces informations que je vous livre. Les informations validées par les organes compétents, nous allons vous les présenter juste après l'analyse des dossiers de candidature. À propos de l'exigence du code électoral qui empêche ou qui interdit aux hommes des médias de proclamer les résultats avant que les organes compétents ne le fassent. C'est l'article 239 du code électoral. Et je vous cite comment est libéré cet article. Est puni d'une servitude pénale de 5 à 10 ans et d'une amende de 800 000 à 4 millions de francs burundais ou de l'une de ces peines seulement toute personne physique ou morale qui annonce ou proclame les résultats d'une élection avant les organes compétents. Je lis cet article en parallèle avec l'article 43 de ce même code électoral. Il est dit ceci. Les mandataires doivent inscrire ou faire inscrire toutes les observations au procès verbal unique, combinant les opérations de vote et les résultats. Ces observations sont obligatoirement suivies de la signature de leurs auteurs. Et retenez ceci, qui est important et qui est lu en parallèle avec l'article 239. Un exemplaire de ce procès verbal unique est remis à la CECI, à la CEPI, à la CENI, à un mandataire par parti politique, coalition de partis politiques ou candidat indépendant représenté au bureau de vote et à la Cour constitutionnelle selon le type de scrutin. L'article 239, comme je le disais, cet article dit qu'il faut attendre que les organes compétents établissent les résultats d'une élection. Les organes compétents. Qui dit organes compétents, c'est de la CENI jusqu'au bureau de vote, n'est-ce pas? Et au niveau du bureau de vote, l'article 43 du code électoral précise très bien que même le mandataire a droit à un procès verbal des résultats. À ce moment-là, le journaliste, il est libre de dire ce qu'il a vu sur ce procès verbal puisqu'il y a un organe compétent qui a déjà validé ses résultats. C'est là où je pose cette question. C'est l'article 43 qui le dit que le mandataire a droit à un procès verbal sur lequel est marqué les résultats partie par partie. Merci beaucoup pour cette évaluation de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Je suis sur ce plateau avec professeur ambassadeur Denis Hachimi Moussa. C'est la même question. Quelle est votre analyse face à l'état d'avancement de ce processus électoral qui est en son étape préélectorale? La question principale qui semble avoir été posée, elle est liée au verrouillage de l'espace politique. En réalité, le processus électoral ne commence pas le jour de la convocation des électeurs. C'est un processus. Et le processus électoral découle de la situation générale dans laquelle se trouve le pays. Et parmi les éléments indicateurs, il y a la situation politique. C'est pourquoi on parle du verrouillage ou du non-verrouillage de l'espace politique. Alors, pour bien comprendre là où on est, il faudrait d'abord revenir un tout petit peu en arrière pour s'interroger. Pourquoi doit-on faire les élections? Les élections rentrent dans quel cadre? En réalité, le processus électoral rentre dans le cadre démocratique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les élections sont considérées comme la clé pouvant nous ouvrir la porte menant vers un régime démocratique. Et on ne peut pas séparer l'élection de la démocratie dans le régime démocratique aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qui caractérise cette démocratie? Eh bien, il y a quelques valeurs fondamentales que l'on peut énumérées que l'on peut évoquer et qui vont être liées avec la préparation d'un processus électoral. Il s'agit notamment de la liberté. Liberté d'expression, liberté d'association, liberté d'aller et de venir, etc., etc. Deuxièmement, il y a l'égalité. Là, on insiste sur l'égalité des citoyens devant la loi. Le fait d'être traité de la même manière. Et troisièmement, il y a la tolérance. Là, principalement, on parle de la tolérance politique. Lorsque les partis politiques cohabitent pacifiquement, se tolèrent mutuellement. Alors, si ces trois valeurs ne sont pas respectées, on va tomber dans ce qu'on peut appeler le verrouillage de l'espace politique. C'est-à-dire, lorsque les partis politiques n'ont pas la même liberté sur le terrain, lorsque les partis politiques ne sont pas traités de la même manière, ou lorsque les partis politiques ne se tolèrent pas entre eux. Et de là, on ne pourra pas parler d'un processus électoral et démocratique, parce que les valeurs qui auraient conduit à ce processus démocratique auront été bafouées. Et si ces valeurs ne sont pas respectées au cours d'un processus électoral donné, eh bien, on perd ipso facto la clé qui pourrait alors nous ouvrir la porte menant vers la démocratie, le régime démocratique. Alors, aujourd'hui, comment se trouve la situation? Et peut-être que je ne suis pas le mieux placé pour répondre à cette question, parce que ce sont les hommes et les femmes politiques qui sont sur le terrain et qui vivent la situation du terrain, qui sont les mieux indiqués pour le dire. Alors, mais vous, en tant que politologue, vous suivez la situation? Oui, je suis la situation, mais ceux qui sont beaucoup plus habilités à le dire, ce sont ceux qui vivent exactement la situation. Et je constate avec vous qu'au niveau du Florina, on dit que l'espace politique est verrouillé. Au niveau de la coalition Burundi-Brabos, on dit que l'espace politique est verrouillé avec quelques exemples. Alors là, comme nous sommes dans un processus électoral qui se veut démocratique, je pense qu'il faudrait interpeller les instances habilitées pour corriger ces quelques erreurs ou alors ces quelques fausses étapes qui commencent à poser le problème pour ce processus électoral. Lorsque l'espace politique est verrouillé, on ne parlera jamais de processus électoral démocratique. Ça ne pourra pas être possible. Mais tout à l'heure, François Bidzimana, commissaire chargé de l'information à la CENI, a dit que la situation est très bonne. Il a parlé de la réception des dossiers au niveau de la CENI. Mais lorsque moi je parle de l'espace politique, moi je ne parlerai pas des bureaux de la CENI. Moi je parle de l'exercice des droits et libertés politiques sur le terrain par les acteurs politiques et parmi les principaux acteurs politiques que nous connaissons en matière de démocratie aujourd'hui, ce sont les partis politiques. Mosaïque. Je rappelle à ceux qui viennent de nous capter en cours de route que vous suivez l'émission Mosaïque qui porte sur le processus électoral, un processus qui est en sa phase préélectorale. Et on a comme invité François Bidzimana, commissaire de la CENI. Et nous sommes avec Cécile Chimilimana, présidente du parti Frodina. Nous sommes aussi avec le secrétaire général de la coalition Burundi-Brabos. Nous sommes aussi avec l'ambassadeur professeur Denis Ivan Chimiyusa. Un exemple qui peut nous éclairer sur ce qu'ils ont appelé l'espace politique verrouillé. Nous avons ici un exemple très récent. Deux membres du parti CDP en commune Mabanda de la province Makamba qui sont aux arrêts, accusés d'avoir commis une infraction électorale en photocopiant des récépissés et d'autres documents de ceux qui voulaient les déposer afin de se faire élire aux élections communales. Est-ce que cette activité ne peut pas être exécutée par un mandataire? On commence par la CENI. Comment est-ce que vous interprétez une telle situation et quel est le rôle de la CENI en cette situation? Est-ce que je peux intervenir un peu? Oui, avant qu'il ne réponde. Oui. Concernant ce que vous venez de dire, il y a les problèmes entre donc, la population de base. Moi aussi, il m'est arrivé un problème là où on a arrêté un membre du parti Florina Mais donc, ce qui a été évoqué, ce n'était pas donc la question des récépissés ou bien des photocopies. On lui a accusé qu'il est, donc il a demandé des récépissés pour aller chercher du travail donc aux différents donc membres des partis diverses. Mais ce n'était pas vrai. Il y a la population de base qui peut même évoquer des mensonges pour alourdir quelqu'un à cause des problèmes de terre, à cause des problèmes sociaux. Mm-hmm. Et tout ça, il faut compter. Quel est votre commentaire là? Merci. Oui. Je réponds à votre question. Oui. Les mandataires ont le droit d'agir au nom d'un parti politique ou d'une coalition. Ils ont ce droit. Mais à condition que ce mandataire soit connu par le partenaire de ces acteurs politiques, les partis politiques ou les coalitions. D'ailleurs, au niveau de la CENI, nous avons même demandé aux partis politiques, aux coalitions, de préparer leurs mandataires et de les faire connaître à la CENI. Ils ont dit que la CENI exige aux partis politiques et aux coalitions des partis politiques les mandataires trop tôt. Ça veut dire que, légalement, ces mandataires ne sont pas connus par la CENI. Ils ne sont pas connus. Alors que, au niveau de l'article 21, même au niveau de l'enrôlement, les mandataires devraient être là. Et je vous dis ce que dit cet article. Chaque parti politique, chaque coalition de partis politiques où chaque candidat indépendant peut désigner un mandataire et son suppléant à chaque bureau d'inscription pour s'assurer de la régularité des opérations d'enrôlement. Déjà, là, c'était au niveau de l'enrôlement. Imaginez-vous donc, si on trouve quelqu'un en train de, je ne sais pas ce qu'il faire photocopier les documents. En se qualifiant de mandataire. Non, il n'aurait pas, puisque pour être mandataire, vous devez avoir l'accréditation de la CENI qui avait accrédité ces gens, les avait accrédités. Le président du parti CDP, il a dit qu'il les a mandatés, oui, comme membres de son parti. Ok, je suis en train de vous répondre. Ouais. Lui, ce sont ses membres, d'accord. Mais pour qu'il puisse agir en qualité de mandataire, il faut qu'il vienne à la CENI pour récupérer la carte. L'accréditation. Il faut que ça soit fait. Je suis impatient à cette question. Oui. Moi, je m'interroge. Il faut que les pouvoirs publics burundais mettent les pieds sur terre. Ils agissent comme on est en guerre, comme dans une crise. Quelqu'un vient. Par exemple, on est à 20 km du chef-lieu de la commune. Vous dites, nous voulons faire photocopier ma carte d'identité récépissée. Vous remettez le récépissé à quelqu'un d'autre. Il les photocopie, il les remet à qui de droit, en réalité. À quoi cela perturbe les élections? À quoi cela perturbe l'ordre public? Jusqu'à ce que les juridictions s'en saisissent, faites même des jugements, la qualification m'échappe un peu, mais sans délai. Donc, moi j'ai l'impression qu'à un certain moment, les institutions publiques ne sont pas stables. Elles se comportent comme elles sont dans une crise, je ne sais pas créée par qui. Sinon, ce cas que nous avons entendu pour les gens du parti CDP n'a rien de problème, n'a rien de troublant qui aurait poussé les juridictions de se saisir en flagrance de ce dossier. Et nous saisissons vraiment cette occasion pour demander à l'État de ne pas se salir pour rien et de prendre des dispositions pour libérer ces gens qui n'ont rien commis de mal. Ça, c'est très grave que quelqu'un qui aide son voisin à photocopier un récépissé, il est emprisonné, c'est dommage. Nous demandons qu'il soit libéré, purement et simplement. Merci beaucoup. Moi, je répondais à cette question par rapport à cette qualification de mandataire. Ouais. C'est tout. Mais soyons quand même un peu concrets. Mm-hmm. On ne sait pas exactement tout ce qui entoure cette affaire. C'est ça. Mais on peut se poser des questions. Si ces gens-là avaient des récépissés, et qu'ils étaient en train de les faire photocopier. Qui a porté plainte contre eux? Voilà. Est-ce que c'était les détenteurs de ces récépissés qui sont allés porter plainte pour dire que ces gens-là ont arraché de force ces récépissés pour aller les photocopier? Qui a porté plainte contre eux? Autrement dit, en quoi réside l'infraction? Nous n'avons pas tous les éléments pour pouvoir nous prononcer sur cette question. Je demanderai plutôt à ceux qui sont en charge du ministère public de mener des investigations et nous dire ce qui s'est passé. Sinon, nous ne pouvons pas traiter un cas sans maîtriser tous les faits. Nous serons en train de faire des spéculations. Le fait se présente comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la CENI ne peut pas se saisir de cette affaire puisque ça concerne, oui, les élections? C'est ce que je vous ai dit. La CENI travaille avec ses partenaires. Et parmi les partenaires de la CENI se trouve aussi le ministère public. Et j'ai déjà dit qu'il faut que le ministère public se saisisse de la question. Il faut... La CENI aussi travaille avec l'administration territoriale. C'est aussi le partenaire de la CENI. Je pense que le professeur ne dira pas le contraire. La CENI travaille avec la justice. La justice, c'est un partenaire de la CENI. La CENI n'est pas un tribunal. La CENI vient d'apprendre que ce cas a été évoqué. Et je viens de vous dire qu'il faut que les partenaires de la CENI, qui en ont les compétences, agissent. Et là, c'est la justice, c'est aussi l'administration. Oui. Si vous permettez, je voudrais bien revenir sur quelque chose que l'on semble négliger et qui a été évoqué par le commissaire Bizimana, mais qui a une importance capitale dans tout processus électoral. Notamment, je parle de la présence des mandataires, des partis politiques ou des candidats. Lorsqu'il s'est agi de l'enrôlement des électeurs, je me suis fait enrôler comme les autres. À ce bureau, j'ai regardé, j'ai fait aussi un petit tour aux alentours sur d'autres bureaux, mais je n'ai pas trouvé de mandataire des partis politiques, si ce n'est que celui du CNDD-FDD. Et j'ai été étonné parce que je connaissais par cœur l'article là, le 21. 21. Donc, ces partis politiques qui ne veulent pas fournir, qui ne veulent pas se manifester très tôt à travers la présence de leurs mandataires sur le terrain. Ils risquent de regretter plus tard parce que ça sera trop tard. La présence d'un mandataire, c'est déjà un signe de l'existence de l'organisation. Mais lorsque, sur une activité hautement politique, l'enrôlement des électeurs, vous avez ce droit et que vous ne l'exercez pas, vous risquez de tomber dans un problème que vous vous créez vous-même. C'est un combat politique, c'est-à-dire la présence d'un mandataire, c'est déjà la présence de l'organisation. Or, là, vraiment, je ne peux pas dire partout, mais là où j'ai été, dans les différents bureaux d'enrôlement, j'ai vu un seul parti politique. Oui, Madame Cécile, présidente du Frodina, pourquoi votre parti n'a pas présenté la liste des mandataires pour qu'il puisse avoir cette accréditation dont François Bizimana a évoqué tout à l'heure? Vraiment, ça a été une erreur de notre part. Ça, j'assume. Merci beaucoup. Mais je demande si je peux le faire, que je le fasse. Oui, c'est votre droit. Il y a d'autres échéances qui vont venir. Il y a d'autres échéances, comme le professeur vient de le dire. Bon, il y a les petites choses que les chefs des partis politiques négligent et le réclament par après. Voilà. Mais ça arrive. Hein. Voilà, comme je le disais, les accréditations en faveur des mandataires sont délivrées par la CENI ou ses démembrements. Ce n'est pas un président d'un parti politique qui il propose. Oui. Mais ce n'est pas lui qui accrédite un mandataire. Un mandataire est accrédité par la CENI. Il faut qu'il le sache. Ça donc, est une erreur. Donc c'est mais quand même, il ne faut pas en profiter. Oui. Oui, peut-être qu'il faille une autre nuance. Il faut des nuances. Oui. D'abord, si vous permettez, j'aurais aimé revenir sur quelques observations qu'a fait le commissaire de la CENI, notamment à ce qui est du dépôt des fiches pour le dépôt des dossiers. En tout cas, ce que nous avons constaté pour cette année, c'est étrange. Au niveau de la CENI, ils ont un problème de communication. Dans le temps, quand il est le moment de déposer les dossiers pour les candidatures, on faisait une réunion d'information à l'endroit des partis politiques. On les présente tous ces outils-là, tous ces fiches-là, et on leur explique comment faut-il les remplir. Je vous dis maintenant où nous sommes, personne ne sait où est-ce qu'on peut trouver, par exemple, l'acte de souscription à la charte de l'unité nationale. En tout cas, pour le savoir, tu demandes à un ami, tu demandes à une connaissance à la CENI, il n'y a pas eu de communication officielle, réelle, faite par la CENI. Ce n'est pas pour vous couper la parole. Oui. Excusez. Oui. L'acte de souscription, la CENI a tout préparé. Non, et, a mis à la disposition. Comment? Quelle communication avez-vous fait à la CENI? C'est ce que je vous dis. Pendant deux semaines durant, et je peux même vous envoyer l'élément. Oui. L'élément qui a été diffusé sur plus de 6 stations radio. Le problème qui est là, quand vous diffusez par là, quelqu'un qui a une question à poser pour comprendre davantage, est-ce qu'il va passer par la radio? Attendez que je vous dise. À la fin de l'émission, moi-même, j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui aurait une question d'éclaircissement, je donne à tous les Burundais mon numéro de téléphone qu'il m'appelle. Et ça se trouve dans l'émission même. Je disais que quand vous êtes en arbitre, parce que la CENI est un organe de l'État, qui est là pour servir pour tout le monde et les partis politiques, parce qu'elle est là avec les missions et les frais qui sont donnés par la population. Donc, en tout cas, la meilleure communication dans de tels cas, c'est d'organiser une réunion, vous invitez les partis politiques, comme vous le faites souvent pour d'autres cas, vous faites en échange une communication directe. Donc je pense que je pense que vous n'avez pas suivi toutes les étapes. Puisque nous nous sommes adressés, adressés aux responsables des partis politiques à travers une correspondance pour qu'ils passent. Il y a manque de communication. Il y a un problème de communication parce que la réunion qu'on a faite à Bugarama concernait plutôt le calendrier électoral et quelques diminutions des dossiers, mais on n'a pas communiqué sur ces fiches. Et cela se faisait dans toutes les élections ultérieures. Mais aussi, je voudrais revenir sur ce mandataire. À un certain moment, et pour cas des élections, les mandataires sont là. Il y a un PV où ils écrivent les observations et ils signent et ces observations sont prises en considération. Est-ce que le commissaire de la CENI maintenant peut nous expliquer quand vous avez envoyé un mandataire sur un bureau d'enrôlement, où est-ce que ce mandataire va inscrire ses observations, ressigner pour qu'elles soient considérées. Je vous dis un exemple. Lors de la réunion, la présidente Diffrena vient d'évoquer, nous avons évoqué des cas où quelqu'un venait avec 50, 100 cartes d'identité pour faire enrôler des gens qui, inconnus, qui ne sont pas visibles, qu'on ne connaît que c'est qui. Et ils nous ont dit, non, ça c'est pas un problème, quelqu'un qui est empêché peut envoyer son voisin pour se faire enrôler. Alors, quand vous voyez qu'il y a des gens qui amènent 50, 60, 100 cartes de cette identité pour enrôler des gens qu'on ne connaît pas et qu'on dit c'est normal, il aurait fallu que pour l'enrôlement aussi, on prépare une fiche où on inscrit les observations qui sont signées conjointement avec les agents d'enrôlement et le mandataire et pour qu'on puisse en faire suite. Oui, Kefani Biz, comme nous sommes dans les dernières minutes, le train est déjà en marche, tout ce dont vous parlez là, c'est déjà passé. Alors, pour le futur, qu'est-ce qui doit être fait pour que le processus électoral, déjà en cours, continue normalement? Qu'est-ce que vous proposez pour que le reste du processus se déroule normalement? Tout d'abord, il faut que les institutions publiques soient tranquilles. Il n'y a personne maintenant qui veut perturber les élections. Nous sommes tous dans un bon sens, donc il faut traiter tous les problèmes qui surgissent avec diligence et pour éviter de dérapages inutiles. Deuxièmement, on voudrait à ce que la CENI puisse accepter tous les observateurs, que ce soit régionaux, que ce soit internationaux, qui viennent accompagner le processus électoral, mais aussi il faudra que les membres des bureaux de vote facilitent nos mandataires. Parce que dans le temps, on a constaté que des fois, les mandataires ne sont pas facilités. Ils sont mis loin des bureaux de vote où ils ne peuvent pas même constater facilement ce qui s'y déroule. Il faudrait également, bon, j'attends la réponse qu'il va me donner à ce qui est de la communication des résultats déjà officialisés par les organes compétents. Mais aussi, on demanderait notamment aux partis politiques de se respecter mutuellement, de ne pas constituer des entraves les uns contre les autres. Et enfin, comme nous avons écouté ce grain d'œil, qu'il faut disponibiliser et préparer sérieusement nos mandataires. Et nous rassurons les auditeurs, nous avons surmonté presque toutes les épreuves, nous surmonterons et d'autres qui se présenteront. Madame Cécile Chimilimana, vous êtes du Frolina, présidente du parti Frolina. On vous a pointé du doigt comme quoi vous ne suivez pas de près le processus électoral. Vous n'avez pas encore disponibilisé les mandataires pour qu'ils puissent aller récupérer les accréditations. Pour que le processus se déroule normalement, continue à se dérouler normalement. Il y a les étapes déjà franchies. Qu'est-ce que vous proposez? Moi d'abord, je propose pas seulement à la CENI et à tout Burundais qui se trouve sur le territoire burundais, requête internationale. Donc, après les élections, la vie continue. Il faut qu'on prenne les élections comme une étape de la vie. Et puis, il faut quand même que les membres des partis politiques se respectent. Il faut éviter donc les mots lourds. Il faut aussi quand même que la CENI aussi donne l'occasion, donc traite les partis de la même façon. Il y a quelquefois qui se ramantent, il y a d'autres qui se ramantent. Moi, je ne me ramante pas beaucoup parce que moi aussi, j'ai commis des erreurs de ne pas envoyer les mandataires à la CENI. Mm-hmm. Mais maintenant, je vais le faire. Et j'invite à tous les partis politiques d'envoyer leurs mandataires pour qu'après, ils ne disent pas qu'on les a volés. Mm-hmm. C'est ça. Côté Frodina, il n'y a pas beaucoup de plaintes. Si on devait chercher une clarification, est-ce que le Frodina est dans l'opposition ou il est dans la mouvance? Dans la mouvance. Okay. Très bien. Oui, je suis avec... Peut-être que François va clôturer ce débat avec sans tout, problème. Avec sans tout problème. Ce panel plus de questions sans et de problème. Recommandations. Sans problème. Et professeur ambassadeur, oui. Vous avez entendu qu'il y a beaucoup de discussions autour de ce processus électoral. Avec tout ce que vous avez dit, si le terrain est verrouillé politiquement, quelles sont les conséquences et quelles sont vos recommandations? Les recommandations vont avec les conséquences. C'est-à-dire, pour que les élections de juin 2025 se passent très bien, il y a un tas de choses qui doivent être faites. Premièrement, il faut que l'administration centrale, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, parce que c'est le même ministère, il faut vraiment qu'il aide pour que la compétition se passe dans de bonnes conditions, c'est-à-dire pour déverrouiller l'espace politique. Parce que la compétition électorale, c'est une compétition qui demande la liberté, l'égalité et la tolérance. Si alors... Sur le terrain, les administratifs, les administrateurs communaux, les chefs de zone ou les chefs de quartier ou de colline ne sont pas dans cette logique d'accepter cette compétition. Je vous dis franchement, la compétition ne pourra pas avoir lieu convenablement. Il faut déverrouiller l'espace politique au Burundi pour que les compétiteurs soient libres dans leur mouvement. Deuxièmement, je parlerai à la CENI, bien évidemment je résume. J'ai envie de dire au commissaire Bizimana que la CENI n'est pas une commission technique, contrairement à ce que les gens aiment dire. Parce que l'élection, c'est une activité éminemment politique. C'est une participation citoyenne. Alors, on ne peut pas arbitrer une activité hautement politique lorsque on est technique. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on est technique et que, par exemple, on convoque les électeurs et que sur les 6 millions d'électeurs attendus, il se fait inscrire 500 000, lorsque vous êtes technique, vous dites, allez, on continue, parce que c'est technique. Mais on ne peut pas être technique, parce que la compétition exige beaucoup d'astuces, beaucoup de traitements, et on doit être impartialement politique, on doit être... politiquement impartial. Donc la CENI doit analyser cas par cas qui se présente et essayer de collaborer avec les partenaires électoraux. Ça, c'est très important. C'est ce que, nous, c'est ce que nous faisons. Ça, c'est très important. Très régulièrement, d'ailleurs. Ça, c'est très important pour que le processus se déroule régulièrement. C'est ce que nous faisons. Et troisièmement, au niveau des compétiteurs, les partis politiques. Les partis politiques, parfois, accusent la CENI ou accusent l'administration. Mais attention, certains partis politiques risquent d'aller détecter la paille qui est dans l'œil de l'autre en laissant le poutre dans les leurs. Il faut que les partis politiques, notamment de l'opposition, s'imprègnent de ce que dit la loi. Vous n'allez pas faire la compétition sans savoir ce que dit la loi. Si la loi est mauvaise, comment est-ce que cette loi mauvaise a-t-elle été instaurée? Où est-ce que vous étiez? C'est ça le problème. Et... il faut détecter dans cette loi les chances et les opportunités que vous pouvez exploiter pour faire une compétition électorale, même en 92-13, avec le Frodebo. Tout n'était pas rose, mais on a pu saisir certaines opportunités pour les exploiter. C'est comme ça la compétition. Alors, les partis politiques sont responsables dans cette compétition et ils ont un rôle important à jouer et à ne pas à ne pas désorienter leurs membres, les citoyens. Il faut donc que les leaders des partis politiques ne regardent pas seulement les sièges à avoir, mais regardent d'abord le cadre général de la compétition, la situation politique, et essayent d'orienter l'orientation dans un sens positif. Merci beaucoup, professeur ambassadeur Denis Vachimioussa. C'est le tour, et le dernier mot, avec toutes ces questions, le panoplie de questions, vous allez essayer de résumer mon commissaire. Merci beaucoup. Ouais. J'ai bien noté les conseils du professeur Denis Vachimioussa, des conseils d'ailleurs qui sont pertinents, mais que la CENI a toujours observé et qu'elle continuera à observer. Et par rapport à la préoccupation du porte-parole de la coalition Burundi Gabo, oui, je connais le partenaire de la CENI depuis qu'il est né. Je le connais. Vous vous aimez bien? S'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je réponds à la question où vous vous interrogez. Si les résultats sont déjà affichés, si le journaliste a le droit de les publier, je lis à l'article 72. Le professeur vient de nous demander de chaque fois se référer au cadre légal. Sinon, ça sera de la fiction. Le cadre légal, le code électoral, à son article 72, dit ceci. C'est l'alinéa 2. Au vu de tous les procès-verbaux de toutes les communes, la commission électorale provinciale indépendante compile les suffrages de toutes les communes de la province au siège de celle-ci, en présence des mandataires qui le souhaitent. Il dresse un procès-verbal dont une copie est affichée et une autre immédiatement adressée au président de la commission électorale nationale indépendante. Quand les résultats sont affichés, ils sont publics. S'ils sont déjà publics. Au niveau commune. Qui peut vous empêcher de les publier quand c'est déjà publié. Affiché, c'est déjà publié. Il n'y a pas de problème. C'est l'article 72, alinéa 2, qui le dit. Je pense que vous êtes tranquille. Et par rapport aux mandataires des partis politiques, je me réfère toujours au cadre légal. Si un tel ou un tel autre est lésé, comment est-ce qu'il peut porter plainte? L'article 22 du code électoral parle des recours au niveau de l'enrôlement, puisque vous avez évoqué l'enrôlement. L'article 22 dit ceci. Un recours contre l'inscription ou l'omission sur le rôle électoral, ainsi que contre la radiation du rôle, peut être adressé par quiconque, y compris les partis politiques, les coalitions des partis politiques et les candidats indépendants, à la commission électorale communale indépendante durant la période d'inscription et d'affichage des listes électorales. Comment est-ce qu'on peut introduire un recours? Vous pouvez même écrire une lettre à adresser à qui de droit, et c'est un recours qui doit être traité. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de l'article 22 du code électoral le permet. On doit le faire. Et je reviens à la question de communication. Vous reprochez à la CENI qu'elle n'a pas bien communiqué plus tôt. Vous n'avez pas suivi probablement ce qui a été diffusé. Je rappelle à ceux qui sont en train de nous écouter que les médias sont les partenaires de la CENI. Le journaliste ne me dira pas le contraire. Même le professeur ne dira pas le contraire. Les médias, ce sont les partenaires de la CENI. Et quand nous avons une information à faire parvenir aux autres partenaires, nous avons cette latitude de faire passer l'information à un partenaire qui peut relayer cette information à une très grande échelle. Et nous avons, pour le cas d'espèce, nous nous sommes adressés aux médias pour nous aider à communiquer cette information. Comme je vous le disais, avant la clôture même de l'émission, j'ai rappelé à tous les auditeurs mon numéro de téléphone au nom de la CENI. J'ai rappelé mon numéro de téléphone qui est le 62 667 290. Peut-être que Kefa veut une correspondance. Là aussi, un courrier électronique. Là aussi, je suis en train d'y arriver. Comment est-ce que les partis politiques ont su que ces fiches se trouvaient au niveau des CEPI. C'est parce qu'il y a eu communication. C'est parce qu'il y a eu communication. Ça c'est clair. Uh-huh. Sinon, comment est-ce qu'ils l'ont su? Je pense que... On peut évoluer. Oui. Uh-huh. Et puis, il a dit qu'il faut accepter que tous les observateurs qui le désirent et qui le demandent, je précise bien, qui le désirent et qui le demandent, puisse assister aux opérations de vote. Qu'il soit étranger, qu'il soit... Il n'y a pas de problème. La CENI est prête à les accueillir et analyser aussi leurs demandes. Mm-hmm. Puisque la CENI, une fois la demande introduite, la CENI va l'analyser et signifier au requérant si sa demande est accepté, mais justement avec des explications si la demande venait à être rejetée. Mais quand la demande sera introduite d'une façon régulière et légale, je ne vois pas pourquoi cette demande ne sera pas acceptée. Que ce soit les observateurs nationaux, ce sont les partenaires de la CENI, que ce soit les observateurs régionaux ou internationaux, il suffit qu'il le demande, ce n'est pas à la CENI, c'est pas à la CENI qu'il faut demander, qu'elle va demander à Denis ou à quelqu'un d'autre, venez observer. C'est celui qui sentira le besoin de venir observer les élections, il va l'exprimer auprès de la CENI et nous allons analyser ce cas. Je pense que j'ai fait le tour des préoccupations mm-hmm. qui m'ont été adressées. Si par hasard, j'aurais oublié l'une ou l'autre préoccupation, puisque il y a eu un temps qui a passé, je pense que j'aurais oublié certaines des préoccupations de M. Kefani Bizi. S'il y en a, rappelez-moi spontanément, je vais répondre à votre préoccupation. Voilà, ça suffit comme recommandation et contribution. C'est là où je boucle ce débat. Mais avant de la mettre en terme, je dis merci aux invités. Merci beaucoup, Madame Cécile Nshimirimana, présidente du parti Frodina, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Merci à Kefani Bizi d'avoir répondu aussi à notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire général et porte-parole de la coalition Burundi Bwabose. Merci beaucoup pour nous avoir invités. Je remercie aussi mes amis avec qui nous avons partagé le plateau. Et je terminerai en rassurant tous les Burundais que tous les défis électoraux seront surmontés pour qu'on arrive à l'objectif escompté. Commissaire François Bizimana, chargé de la communication à la CENI, merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour avoir invité la CENI dont je suis porte-parole. Merci aussi à mes collègues autour de ce plateau. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Même demain, s'il y a telle ou telle interrogation en rapport avec les obligations de la CENI, nous sommes toujours disponible pour répondre à toutes ces préoccupations. Merci. J'étais également autour de ce plateau avec l'ambassadeur Denis Machimibus, professeur de sciences politiques à l'Université du Burundi, spécialiste des partis politiques et des élections. Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi mes compatriotes avec qui nous étions dans ce débat. Et je remercie aussi tous ceux qui nous ont suivis. J'espère qu'on pourra encore une fois avoir d'autres occasions. Merci beaucoup. À la cabine du son, j'étais avec Albert Ndouayo. Innocent Bivonimana était à la prise des images. Medan Nyonguru était à la réalisation, à l'animation de ce débat qui vous a été conjointement préparé par la radio-télévision Isanganiro en collaboration avec le service anglican pour le développement communautaire durable de l'église anglicane SADC en sigle. Je note dans le but de rétablir la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre les membres des partis politiques. Vous étiez avec Évariste Nzikobanyanga. Merci à vous tous qui étiez à l'écoute. Bonne suite de nos programmes. À la prochaine. Mosaïque.